السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on continue toujours le résumé explicatif du livre de Nicité de Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé à la parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما que rapporte l'auteur qui est Cheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Il dit wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nari wa qalaha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hina qalu lah innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. Donc l'auteur, car Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Ibn Abbas, car Allah les agrée tous deux, qui dit Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ibrahim l'a dit lorsqu'il fut jeté dans le feu, et Mohammed alayhi salatu wassalam l'a dit lorsqu'ils lui dirent, selon la traduction du sens est, c'est un verset de Sourate Ali Imran, certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Sourate Ali Imran, verset 173, et ici le hadith il est rapporté par, ou plutôt comme la parole du Cheikh Mohammed Allah est ici, il fait référence à Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Cheikh Fawzan, comme c'est l'habitude, pour les frères qui ont la médition, comme on a page 271, il explique les termes et il dit Hasbunallah, ay kafina falana tawakkalu illa alayh. Hasbunallah, c'est-à-dire Allah nous suffit et donc nous ne plaçons notre confiance qu'en lui subhanahu wa ta'ala. نعم الوكيل أي الموكول إليه أمور عباده. نعم الوكيل, il est notre meilleur garant, c'est-à-dire celui à qui sont confiées les affaires de ses serviteurs. المعنى الإجمالي للأثر, ici le sens général de la parole, de la parole de qui? De la parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. Il dit, Cheikh Fawzan, حفظه الله تعالى, يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة, أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في موقفين حرجين لقيهما من قومهما, وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا وكسر أصنامهم فأرادوا أن ينتصروا لها فجمعوا حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها فقال هذه الكلمة فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سورة الأنبياء وحينما أرسلت قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم تتوعده وتقول إن قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Donc Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى, il dit le sens général du athar, c'est qu'Abdullah ibn Abbas, ce compagnon, noble compagnon et fils de compagnon, c'est pour ça qu'on dit qu'Allah les agrée tous deux, Abdullah le fils d'Abbas, rapporte que cette sublime parole, quelle parole? Eh bien la parole ici, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant, a été dite par les deux amis intimes, Al-Khalilani, qui est le muthanna de Khalil, hein, qui est le duel, la forme duel du mot Khalil, Al-Khalilani, en faisant référence à qui? À Ibrahim alayhi salam et Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce à deux situations très difficiles. Donc elle a été dite par les deux amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Ibrahim et Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce à deux situations très difficiles, lors de deux moments très difficiles, qu'ils ont subi de la part de leur peuple, chacun de manière respective, Et c'est lorsque Ibrahim alayhi salatu salam, il a appelé son peuple à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont refusé et qu'il a cassé leurs idoles, et que donc suite à cela ils ont voulu secourir leurs idoles ou se venger, et qu'ils ont amassé du bois et ont allumé un bûcher et qu'ils l'ont jeté au moyen d'une catapulte, le manjaniq, en plein dans le feu, c'est-à-dire au milieu du feu. Il dit alors cette parole, il dit alors cette parole qui est laquelle, qui est Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors au feu, ce dont la traduction du sens est, au feu, soit pour Abraham, yani Ibrahim, une fraîcheur salutaire. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Et lorsque Quraysh envoya un message à Mohammed, ici évidemment, c'est un cours de tawhid, c'est un cours de aqidah, on a parlé ici de ce qui s'est passé avec Ibrahim alayhi salam et son peuple, il convient de revenir au tafsir de ces versets qu'on a cités pour avoir plus de détails. Pour les frères qui veulent et les sœurs qui veulent plus s'approfondir sur le sujet, ce qui est important, ici on ne peut pas rentrer trop en détail dans le sujet au niveau du tafsir des versets, de la situation, de l'histoire en détail, etc. Et on cite que ce qu'il a dit sur l'islam, Mohammed Mahoura, ta'ala, parce qu'il l'a cité dans le cadre d'un livre dans le Tawhid, qui touche à l'unicité. Et donc on s'arrête à ça. Et donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il continue en disant, lorsque Quraysh envoya un message à Mohammed, c'est-à-dire le menaçant, en disant, nous avons regroupé une armée marchant vers toi et tes compagnons, afin de vous exterminer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors cette parole sublime, qui est la même parole que Ibrahim alayhi salatu wa sallam dit aussi, c'est Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Allah dit, selon la traduction du sens est, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Et ça, c'est la traduction du sens de Surat Ali Imran, verset 174. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il rapporte « Munasabatul athari lil-bab ». Quel est le caractère opportun de citer ce athar de Ibn Abbas dans le cadre du chapitre qu'on est en train d'étudier, chapitre qui lui-même fait partie ou qui s'articule dans le livre de Kitab Tawhid, qui est le livre de l'unicité. Eh bien, Cheikh, il dit « Anna fihi an hadi al-kalimata allati hiya kalimatu at-tafwid » والاعتماد على الله هي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant, le rapport entre le athar et le chapitre est qu'il y a dans ce athar que cette parole sublime, qui est la parole de confier toutes les affaires à Allah et de placer sa confiance en lui, hasbunallahu wa ni'mal wakil, c'est la parole qui doit être dite lors des afflictions, karb, pluriel de kurub, pluriel de karbun, et des situations difficiles, shada'id. Et elle indique le fait de placer sa confiance en Allah dans le repoussement de la ruse de l'ennemi. Maintenant, les fawa'id, ou ma yustafadu min al-athar, les enseignements tirés de ce athar. Al-fa'idatul oula, fadlu hadi al-kalima, wa annahu yanbaghi an tuqala. Le premier enseignement, c'est quoi? C'est que c'est le mérite de cette parole, qui est Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Il convient qu'elle soit dite lors des situations difficiles et des afflictions. Thaniyan aw al-fa'idatu thaniya, an atawakkala min a'dham al-asbab fi husul al-khayr wa daf' al-sharr fi ad-dunya wal-akhirah. Placer sa confiance en Allah fait partie des moyens les plus importants d'obtenir le bien et de repousser le mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Thalithan aw al-fa'idatu thalithatu an al-imana yazidu wa yanqus. Que la foi, comme c'est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, des gens de la Sunna du consensus, c'est que la foi, elle augmente et elle diminue, comme le dit Cheikh Al-Fawzan ici. Qui sait me donner shahid min al-aya? Qui c'est Hifdan? Que je vois qu'ils ont tourné la page. Hein? Qui c'est me donner le shahid? C'est important de toujours, parce que l'ulama il donne une mis'ala. C'est quoi la mis'ala ici? C'est une mis'ala dans l'aqida d'Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est que l'iman yazidu wa yanqus. On avait rapporté, et il est là aujourd'hui encore, masha'Allah, hein? Il nous avait rapporté quoi? Le poème de Khamsnounat. Il y en a qui l'ont mémorisé depuis ou pas? Je l'ai mis sur Twitter là, pour les frères qui le cherchaient. J'ai mis le lien, etc. Le petit, il a eu un cadeau déjà, donc. Mais c'est pour vous. Ani Khams Nounat, on avait cité que Cheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah ta'ala, il avait regroupé cette position d'Ahl Sunnah Al-Jama'a sur l'Iman en cinq nouns, c'est-à-dire cinq lignes qui terminent chacune par un noun et qui résument cette mes'ala-là. D'accord? Et qui convient de mémoriser, c'est très facile à mémoriser. Et donc la mes'ala ici, c'est quoi? C'est qu'à l'Imanu yazidu wa yanqus. Comme il avait dit l'autre jour, notre frère Hafidhahullah ta'ala, il avait dit. الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. On leur dit ou on leur dit pas? On va pas faire comme à l'école, on va la répéter. On devrait faire ça peut-être. Pour vous forcer à la mémoriser, de répéter 5 lignes. En combien de temps on peut mémoriser 5 lignes comme ça? Combien de temps? 2 minutes Aziz apparemment. 2 minutes peut-être. Pour celui qui a une bonne mémorisation, peut-être plus pour les autres. C'est quoi, c'est que. C'est quoi encore, vas-y, Al-Imanu? Al-Imanu khamsu nounatin, aywa? Qawlun bil-lisani, ça fait un noun déjà. Aywa? Ouais, tiqadun bil-janani. Donc la première, c'était une parole de quoi de la langue? Une croyance du cœur. Tiqadun bil-janan, aywa? C'est-à-dire une action. Ils ont des actes. C'est-à-dire que Ahl Sunna, ils disent que la foi, c'est quoi? Parole, croyance du cœur et des actes. Et quoi? Yazid ou bita'at al-Rahmani. Et quoi? Et yankus ou bita'at al-Shaitan. Allahumma barik. Barikou, ya ikhwa, barikou. C'est quoi? C'est que ça augmente. La foi, elle augmente avec l'obéissance au tout miséricordieux et elle descend avec l'obéissance à Satan. D'accord? Eh bien, ici, cette mes'ala, on la connaît maintenant. Cheikh, il a cité un dalil. C'est quoi le dalil? Quel verset? Et alors, vous regardez, monsieur Mouchkil. C'est quelle sourate? C'est par rapport à quel mawqif qu'il a dit ça? C'est par rapport à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam ou l'histoire de Mohammed alayhi salam ici? Naam, ahsant. Et c'est quoi le dalil? Vous pouvez le lire quand même, on ne vous demande pas de mémoriser. Naam, c'est quoi? Voilà, t'as cité le verset maintenant. Maintenant, donne-moi du verset Shahid. C'est-à-dire Shahid min al-Dalil. C'est-à-dire que c'est quoi le témoin argumentatif dans cette. Pour ça, c'est important toujours pour les frères. C'est que quand ils connaissent une mis'ala, ça c'est nasiha de mes'shaykh, c'est que quand ils connaissent une mis'ala, eh bien, il s'attache à étudier, pour les débutants, au moins un dalil. Comme Cheikh Mohamed Ben Hadi dit, après, l'insane est awassa. Après, peut-être que tu vas arriver à un niveau, pour chaque mis'ala dans l'aqidah, tu connaîtras une vingtaine de dalils. Mais ce n'est pas suffisant, comme disent les meshaykhs. C'est quoi? Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que tu dois être capable de connaître une mis'ala, de donner sa preuve, et donner ce qu'on appelle wajh al-istidlal. Vous avez déjà entendu parler de ça? Wajh al-istidlal. C'est-à-dire, comment cette preuve, ce dalil, il a été utilisé pour preuve de cette mes'ala. Vous comprenez ça? D'accord? Donc ici, c'est quoi ton shahid? C'est quoi le... C'est quoi, en français, c'est quoi la partie du verset qui indique ce que tu as dit? Ou ce qu'on a dit, ce qu'il a dit sur le Fawzan? Quel iman yazid ou yanqus? Non? C'est évident. Maintenant, c'est quoi wajl istidlal? C'est évident, c'est que quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit... فزادهم إيمانا. C'est-à-dire que quoi, comme on a traduit ça en français, qu'il les a augmentés ou il a accru leur foi. Donc ça, c'est un dalil évident que la foi, elle augmente. Et on a dit que tout ce qui augmente, accepte l'augmentation accepte aussi la diminution. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, si quelqu'un vous dit, oh, mais c'est quoi la preuve? Ben, tu connais au moins une preuve. Et tu peux citer, ne fût-ce que la partie au moins du verset, فزادهم إيمانا. Et il y a beaucoup de versets qui indiquent cela. On avait cité ça dans les caractéristiques des croyants dans un verset il n'y a pas longtemps, c'est dans le cours précédent, je pense. Donc c'est important de comprendre la mes'ala, de connaître son dalil et de connaître comment ce dalil est utilisé comme preuve de cette mas'ala-là. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, أن الإيمان يزيد وينقص, que la foi augmente et diminue. Et puis Cheikh Al-Fawzan, il dit, رابعا, أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له. Il se peut que ce qu'une personne n'aime pas soit un bien pour elle. On continue, on rentre dans un nouveau chapitre et on va le finir aujourd'hui, le chapitre, inshallah. C'est Babu Qawlillah Ta'ala, Afa'aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun, min surat al-Araf. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, wa man yaqanatu min rahmati rabbihi illa al-dallun. Chapitre de la parole d'Allah dans la traduction du sens est: sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Surat al-A'raf, verset 99. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est, il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? C'est surat al-Hijr, verset 56. Cheikh Al-Fawzan, il dit, munasabatul bab al-kitab al-tawhid. C'est-à-dire, quel est le caractère opportun de rapporter ce chapitre dans le cadre du livre de l'unicité? Et comme on a dit, il y a un livre de l'unicité qui est le livre dans son sens complet. D'accord? Et je rappelle que le mot kitab, il vient de quel verbe? Kataba, qui indique quoi en arabe? Oui, c'est le sens, mais ça indique quoi à la base? C'est regroupé. Naam, c'est ça le jam. D'où le mot katibat al-khayl en arabe aussi. Par rapport au. Ou un katiba, qui est un genre de régiment, si vous voulez. C'est-à-dire que ça regroupe. C'est un regroupement de gens ou de chevaux, etc. Et c'est parce que quand tu écris, tu regroupes des mots, tu regroupes des lettres. D'accord? Donc ici, les livres de l'unicité, il y a des chapitres. Et chaque chapitre, il a son rôle dans le livre de l'unicité. Il a une raison. Et dans ce chapitre, il y a à chaque fois des preuves. Et donc, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, dans son bon enseignement, il te montre toujours que le caractère opportun entre ce chapitre et le livre dans lequel il s'articule, et aussi chaque preuve et le chapitre dans lequel il est cité. Elle est citée. Et ici, il dit, le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité, مناسبه الباب لكتاب التوحيد اراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب ان يبين ان الامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله من اعظم الذنوب وان كل منهما ينافي كمال التوحيد وانه يجب على المؤمن ان يجمع بين الخوف والرجاء. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité, l'auteur a voulu montrer par ce chapitre que se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et désespéré de la miséricorde d'Allah s'opposent tous deux, ou nient tous deux si vous voulez, la complétude de l'unicité, c'est-à-dire la perfection de l'unicité. Et qu'il est obligatoire aux croyants de réunir la peur et l'espérance. Makrallah, ou bien makrullah ici, makrullah, comme dit Cheikh Al-Fawzan, istidrajhu l'abd bin ni'ami ida asa wa imla'uhu lahu hatta ya'khudahu akhda azizim muqtadir. C'est akhda, changer, c'est akhda. Hatta ya'khudahu, ça aussi vous changez, ya'khudahu akhda azizim muqtadir. Makrallah ou makrullah, le stratagème d'Allah, lorsque le serviteur désobéit à Allah, la notion d'istidraj ici, il faut la traduire par le sens. C'est quoi l'istidraj? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il amène progressivement un serviteur qui le mérite, dans le mauvais sens du terme, hein, qui le mérite, c'est-à-dire qui quelqu'un qui n'est pas bien et qui mérite, c'est-à-dire que Allah azu lui rajoute en bienfait. Et donc il l'amène graduellement vers une situation vers laquelle il peut l'amener pour qu'il le châtie et qu'il le saisisse de la saisie de quelqu'un qui est puissant, Allah Azza wa Jal, la saisie d'un puissant omnipotent, Aziz et Muqtadir. Et il y a un verset du Coran qui indique ce terme-là, qu'il connaît. Le verbe nastadrijuhum. Personne? Non? Moi, je vois, ils font comme ça. Il réfère à d'autres. Chacun répond pour lui-même. Donc l'istidraj ici, c'est important de comprendre ça. Ici, on a dit, il l'amène, subhanahu wa ta'ala, progressivement au moyen de bienfait, jusqu'à ce qu'il le saisisse de la saisie d'un puissant omnipotent. Al-khasirun, ay al-halikun, les perdants, qu'on dit les perdus, al-halikun, yaqnatu al-qunut, istibda'adu al-faraji, wal-ya's minh. Donc, yaqnatu, c'est il désespère, et al-qunut, c'est le désespoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui c'est de voir la délivrance, le soulagement, comme étant improbable. Istab'id al-amr, istab'id al-faraj. Et désespéré quant à cette délivrance ou soulagement. Ad-dallun al-mukhti'un at-tariq as-sawab. Ad-dallun, les égarés, ceux qui sont en erreur par rapport à la voie juste. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn. Le sens général des deux versets, c'est-à-dire le verset de sourate Al-A'raf et le verset de sourate Al-Hijr. يذكر الله سبحانه حال أهل القرى المكذبين للرسل أن الذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من استدراج الله لهم وعدم الخوف منه فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا الاستدراج من الله وهذه حال الهالكين. Pourquoi qui dire en arabe pourquoi le cheikh a dit هذه حال الهالكين. Parce qu'il y a plusieurs causes qui ont fait que c'est la dernière. Bien essayé, parce que c'est vrai que si c'était un pluriel, ça aurait été féminin. Mais c'est un singulier ici, halou. Parce que hal, il fait partie des mots qui ont deux genres. Et le mieux en arabe, c'est le mu'annath. Donc il y a des verbes en arabe qui ont deux genres, qui sont mudakkar et mu'annath. Des noms, pardon. Qui sont mu'annath et mudakkar. Wal-afsah, comme disent les mashaykh, il y a un islam ta'anith. Wallahu alam. Hadihi, c'est pour ça qu'il a dit hadihi, halul haliki. On ne dit pas, ah, il y a une erreur de. Non, c'est de la bonne langue arabe ici, c'est-à-dire hadihi, halul haliki. Il y a d'autres exemples. Donc on a dit quoi ici? Que. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique cela en disant, le sens général des deux versets, c'est qu'Allah, le trio, il cite l'état des gens des cités qui démentent les messagers. Et que la raison qui les a poussés à démentir, c'est leur sentiment d'être à l'abri, d'être amené progressivement par Allah vers son châtiment. Mais de ne pas avoir peur d'Allah. Et ils ont donc persisté dans la désobéissance à Allah et dans leur transgression. Et ils ont considéré comme improbable qu'Allah les amène progressivement au moyen de ses bienfaits vers son châtiment. Et tel est l'état des perdus. Et dans le deuxième verset, cher Eldi, tournez la page, وفي الآية الثانية يحكي الله عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه فقالت له الملائكة فلا تكن من القانطين أي الآيسين. فأجابهم بأنه ليس بقانط لكنه قال ذلك على وجه التعجب. Et dans le deuxième verset, Allah dit que lorsque les anges ont annoncé la bonne nouvelle à son ami intime, le mot bashara en arabe, c'est annoncer une bonne nouvelle. Bashara yubashiru tibshira, mubashir et mubashar. C'est En arabe, ça vient, comme Cheikh Obed l'explique dans l'Usul Talata, il dit que, ou dans Surat Lahilallah, pardon, dans son explication, il dit que Bashartahu, le mot Bashara, c'est la peau. Vous savez ça en arabe, le mot Bashara. C'est-à-dire que quand tu annonces une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe en la personne? C'est que, il y a comme une situation où il y a le sang qui fait réagir la peau, si vous voulez. D'accord? Et vous voyez d'ailleurs physiquement la personne qui change. Et donc c'est là l'origine du mot. Bashara yubashiru. Donc ici il dit. Bashara. Par exemple, est-ce que tu peux annoncer Bashara, tu peux utiliser Bashara si c'est pour une annonce qui ne va pas être bonne? Le verbe c'est Bashara avec une shidda. Et moi, ce que je sais, c'est que le tabshir, c'est une bonne nouvelle. Sinon, c'est akhbara. Hein? Ah, dans ce sens-là, tu veux dire, c'est-à-dire que tu annonces une nouvelle, Annie, que même ça peut être un châtiment. Voilà, Ah c'est oui, pas ça c'est forcément ici dans le le verset, c'est clair que le sens il n'est pas positif. C'est ça ta Ouais, question. c'est ça. Voilà. Je voulais savoir si en fait Bachara, auquel il va être Bouchara, c'était annoncé que pour quelque chose qui Non, allait le bien, frère quelque t'a chose de répondu par bon. le verset. Fabashirum bi adabin alim, avec un châtiment douloureux. Donc évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Donc on a dit quoi ici? C'est que dans le deuxième verset, Allah dit que lorsque les anges ont annoncé la bonne nouvelle à son ami intime Ibrahim de son fils Ishaq, Ibrahim a considéré cela comme étant improbable en raison de son âge avancé. Et donc les anges lui ont dit, ce dont la traduction du sens est, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Al-Hijr 55. C'est-à-dire de ceux qui perdent espoir. Il leur répondit qu'il ne désespérait pas, mais qu'il avait dit cela par étonnement. Donc ici, bien comprendre qu'Ibrahim, alayhi, il n'a pas désespéré, mais qu'il a dit cette parole comment? Par étonnement en fonction de son âge avancé, qu'il puisse avoir un enfant. Ensuite, les enseignements tirés de ces deux versets par Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Ma yustafadu min al-ayatayn. Awalan, ou al-fa'idatu al-oula, fil ayati al-oula, at-tahdhiru min al-amni min makrillah, wa annahu min a'zami al-dhunub. Dans le premier verset, la mise en garde contre le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et que cela fait partie des péchés les plus graves. Wa fil ayati al-thaniya, at-tahdhiru min al-qunut min rahmatillah, wa annahu min a'zami al-dhunub. Dans le deuxième verset, la mise en garde contre le fait de désespérer en la miséricorde d'Allah et que cela fait partie des péchés les plus graves. Thalithan, fil ayatayni, après avoir apporté dans le premier verset et le deuxième verset, Cheikh il dit dans les deux versets, fil ayatayni, annahu yajibu al mu'mini an yajma'a bayna al khawfi wal raja, fala yughallibu janib al raja, fayamanu makra Allah, wa la yughallibu janib al khawfi, fayayasu min rahmatillah. Fayayasu min rahmatillah. Donc, dans les deux versets, il est obligatoire aux croyants de réunir la peur et l'espoir. Et donc, de ne pas donner plus d'importance, il a dit ici, de ne pas donner plus d'importance à l'espérance et donc se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Ni de donner plus d'importance à la peur et donc de désespérer en la miséricorde d'Allah. Quatrième faïda, et c'est la fin pour cette partie ici, il dit أن الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده لا شريك له. La peur et l'espérance font partie des types d'adoration qui doivent être toutes obligatoirement voués de manière sincère à Allah seul, sans lui donner d'associé, comme toutes les autres les adorations d'ailleurs. Cheikh Al-Fawzan, ici, hafidhahullah, il va terminer ce chapitre en expliquant la dernière partie que l'auteur, Cheikh Al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a cité ici dans ce chapitre, et qui est sa parole, وعن ابن عباس رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر, فقال, الشرك بالله. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق L'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, et d'après Ibn Abbas, quand ils agréent tous les deux, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut questionné au sujet des péchés majeurs. Il répondit, donner des associés à Allah, c'est-à-dire associé à Allah Azza wa Jalla dans l'adoration, ou dans autre, comme on va le voir dans un instant, dans la seigneurie, etc. Et perdre espoir en la miséricorde d'Allah, et se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Et d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qu'il dit, les plus grands des péchés majeurs, est de donner des associés à Allah, et de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, et de désespérer en la miséricorde d'Allah, et de perdre espoir quant à l'aide d'Allah. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant Al-Kaba'iru jam'u kabiratin wa hiya. Et ici, il va te donner ce qu'on appelle un ta'rif, c'est-à-dire un had. Donc c'est important d'étudier ce genre de ta'rif. D'ailleurs, les mashayikh ils disent toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'étudier des masa'il, d'étudier les adillah qui vont avec ces masa'il, d'étudier aussi, de connaître wajl istidlal, c'est-à-dire la manière pour laquelle cette preuve a été utilisée pour cette masa'il-là, et aussi ce qu'on appelle al-ta'rif, al-hudud. C'est-à-dire les définitions, très important. Il y a aussi ce qu'on appelle le fawariq, les différences entre les choses. Donc ici, une définition qui est très bonne et qui est facile à retenir, c'est kun kabira. Et donc avec ça, tu auras aussi, après, tu peux avoir aussi un fariq entre le kabira et le sagira. Hein? Et aussi ce qu'on appelle le dawab. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître pour un talib ilm, qui sont importantes de connaître. Donc ici, il dit, كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي لإيمان أو نفي الإيمان أو رتب الله عليه حدا في الدنيا. D'ailleurs, mes chers, sur les définitions, ils conseillent de les mémoriser comme elles sont par les gens de science. Comment elles ont été faites? Parce que les gens de science sont précis quand ils parlent. Parce qu'un ta'rif, il doit y avoir deux choses très importantes. Il doit être quoi? Jami' et mani'. C'est-à-dire qu'il doit regrouper ce qui rentre dans la définition et doit exclure ce qui ne rentre pas dans la définition. Jami', mani'. D'accord? Donc ici, c'est important de connaître ce genre de définition. Et on a traduit celle-ci en français. Le cheikh, il dit, Al-Kaba'ir, c'est les péchés majeurs et c'est le pluriel de Kabira. C'est le pluriel de Kabira. Qui c'est quoi une Kabira? C'est tout péché au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui le commet de l'enfer ou d'une malédiction. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que l'isbal, ça fait partie des Kabair. Pourquoi? Parce que ce qui descend de ces déchets, fa huwa fi finnar. Ça rentre dans la définition. On a dit quoi aussi d'autre? On a dit qu'il a menacé celui qui le commet de l'enfer ou d'une malédiction. Donc, la'anallahu, beaucoup d'ahadith. Hein? La'anallahu min awa muhditha. Qu'Allah maudisse celui qui préserve un muhdith. Les ulama ont expliqué que l'innovateur rentre dedans et d'autres explications que les ulama ont données. D'accord? Ou d'une colère. L'ghadab. Donc tu as un texte où il y a le ghadab, eh bien là, alors souvent ça devient quoi, hein? Un grand péché. Ou d'un châtiment, donc il a menacé d'un châtiment précis, d'accord? Vous vous rappelez l'autre jour quand on a parlé de Niyah al-Mayyit, qu'on a parlé du fait de se lamenter sur la mort de quelqu'un, etc. Le hadith, on avait cité un châtiment très précis. On avait dit d'ailleurs à ce moment-là que ça rentrait là-dedans. Ou d'une négation de la foi. Ou au sujet duquel Allah a donné une peine légale dans ce bas monde, quand il y a un had dans ce bas monde. D'accord? Et si le Mashiach, ils ajoutent aussi, quand il y a un texte où il y a le fait des innocentés, comme An-Nabari, comme quand le prophète dit, moi je suis innocent d'eux. الشرك بالله في ربوبيته وعبوديته. Donner des associés à Allah dans sa seigneurie et dans sa divinité. واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. واليأس من روح الله, c'est-à-dire couper l'espoir en Allah, c'est-à-dire perdre l'espoir en Allah dans ce qu'il ambitionne. Yaroum, c'est ambitionné, et dans ce qu'il a pour objectif, et dans ce qu'il craint, et dans ce qu'il espère. Mim makrillah, ay min istidrajihi lil'abdi, aw salbihi ma ataahu min al-iman. Mim makrillah, du stratagème d'Allah, c'est-à-dire du fait qu'Allah amène le serviteur progressivement au moyen de ses bienfaits vers son châtiment, ou de lui retirer ce qu'il lui a donné comme foi. Wal'adou billah. Al-ma'na al-ijmali lil'hadith, le sens général du hadith. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كبائر الذنوب هي أن يجعل لله سبحانه شريك في ربوبيته أو عبوديته وبدأ به لأنه أعظم الذنوب وقطع الرجاء والأمل من الله لأن ذلك إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى وجهل بسعة رحمته والأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غرة وليس المراد بهذا الحديث حصر الكبائر فيما ذكر لأن الكبائر كثيرة لكن المراد بيان أكبرها كما يفيده أثر ابن مسعود الذي ساقه المؤلف رحمه الله بعده. Le sens général du hadith. Ici, il fait référence ici au hadith qui est rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما. Il dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith que les péchés majeurs sont que soit donné à Allah un associé dans sa seigneurie ou sa divinité, et il a commencé par celui-ci dans le hadith, car c'est le plus grave des péchés. Et perdre espoir en Allah, car cela est un mauvais soupçon envers Allah. Et une ignorance de la grandeur de sa miséricorde. et se sentir à l'abri. Qu'Allah amène le serviteur au moyen de ses bienfaits à ce qu'il le saisisse à l'improviste. Et le sens de hadith, de ce hadith n'est pas de restreindre les péchés majeurs. Il ne faut pas comprendre qu'on a cité les péchés majeurs ici, qu'il n'y a que ça. Cheikh dit, et le sens de ce hadith n'est pas de restreindre les péchés majeurs à ceux qui sont cités, car les péchés majeurs sont nombreux. Mais le sens est plutôt de mettre en évidence les plus graves parmi les péchés majeurs, comme d'ailleurs l'indique le Athar d'Ibn Mas'ud que l'auteur a cité après le hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, retournez au texte d'Ibn Mas'ud. Il dit, وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر البخمين سئل عن الكبائر فقال puis le prophète s'est questionné au sujet des péchés majeurs puis il a répondu le prophète عليه الصلاة والسلام mais il ne faut pas comprendre que c'est que cela quand il a répondu ibn Mas'ud sa parole elle l'indique bien parce qu'il dit quoi il dit أكبر الكبائر donc il n'y a pas que ça ici en français on en a traduit nous par en disant pour vous compreniez mieux Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit les plus grands des péchés majeurs. Il n'a pas dit yani, les péchés majeurs ou tous les péchés majeurs. Et donc ici, Cheikh il dit, hafidhahullah ta'ala, le sens est plutôt de mettre en évidence les plus graves parmi les péchés majeurs, comme d'ailleurs elle indique le athar d'Ibn Mas'ud que l'auteur a cité après le hadith. Munasabatul hadith il bab, anhu yadullu ala anna l'amna min makrillahi wal ya's min rahmatihi min kaba'ir dhunub. Le rapport entre le hadith et le chapitre est que le hadith indique que se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et désespérer en la miséricorde d'Allah font partie des péchés majeurs. C'est pour ça que l'auteur il a cité les hadiths ici. Ensuite, on a les fawa'id tirés de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Les enseignements tirés du hadith. Awwalan, tahrimu al-amn min makrillah wal ya'si min rahmatih. وأنهما من أكبر الكبائر كما عليه المرجئة والخوارج. Le premier enseignement cité ici, le caractère illicite de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et de désespérer en sa miséricorde et qu'ils font partie tous deux des plus grands péchés majeurs, comme c'est le cas des murji'a et des khawarij. Parce que qu'est-ce que les khawarij font? On a utilisé le mot tout à l'heure, yughallibu, c'est-à-dire qu'ils donnent plus d'importance à quel janib? Al-Khawf, à la peur, tandis que Al-Murji'a, à l'espoir. Deuxième fa'ida, anna shirka a'damu dhunubi wa akbaru kaba'ir. L'association à Allah est le péché le plus grave et le péché majeur le plus grand. Thalithan wa akhira, le troisième et dernier enseignement pour aujourd'hui, incha'Allah, anna al-wajiba ala al-abdi an yakuna bayna al-khawfi wa al-raja' fa'idha khafa la yay'as wa idha raja la ya'man. Ce qui est obligatoire aux serviteurs, c'est la position des gens de la sunna dans toute, hein, la position des gens d'islam entre les différents religieux en termes de juste milieu, et des gens de la sunna par rapport aux autres groupes en termes de juste milieu. Ce qui est obligatoire aux serviteurs, c'est d'être entre la peur et l'espoir, et donc s'il a peur, qu'il ne désespère pas, et s'il espère, qu'il ne se sente pas à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakum allahu khairan, wa allahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.